Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle émission du Crémos du mercredi 9 octobre 2024. Aujourd'hui, notre invitée est historienne et vice-présidente de l'Amicale des Anciens Résistants et amie secteur Gier. Elle est également auteure de notices biographiques pour le Métron des Fusillés. Michèle Destour, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Pour l'occasion, tu seras accompagnée tout au long de cette émission par l'historien Jean-Michel Stenner. Bonjour Jean-Michel, merci de ta présence. Bonjour Karine, bonjour Michèle, bonjour à toutes et à tous. Alors, l'émission d'aujourd'hui, que vous allez co-présenter tous les deux, sera consacrée à l'histoire du CDL, le Comité départemental de libération. Et vous allez nous expliquer comment se déroula, il y a 80 ans, la libération du département de la Loire en 1944. Eh bien, Michèle, nous allons donc dans cette émission consacrée à la libération, comme vient de l'indiquer Karine, et à la fin de la guerre, nous intéresser principalement au cas de la Loire. Malgré tout, il est nécessaire de replacer ce moment particulier que fut la libération dans un temps un peu plus long, celui que fut l'occupation et le régime de Vichy à l'échelle aussi du pays tout entier. Il faut donc, à mon sens, remonter au 16 juin 1940, alors que le nord de la France est occupé par l'armée allemande et que le gouvernement dirigé par Paul Reynaud est replié à Tours puis à Bordeaux, puis démissionne le 16 juin, le maréchal Pétain est chargé par le président de la République Albert Lebrun de former un nouveau gouvernement. Or, dès le lendemain, 17 juin, alors que je le rappelle, un tiers à peine du pays est vraiment occupé, il demande un armistice au Troisième Reich, que l'armistice est signé le 22. Donc, je ne reviens pas sur les conditions de l'armistice, tout le monde peut les trouver. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, pour plus tard nous projeter sur la libération, c'est de savoir qu'il profite de cette défaite, cette étrange défaite, comme l'a dit Marc Bloch, une défaite sans précédent dans l'histoire du pays, pour mettre en place un nouveau type de régime, un régime politique, autoritaire, policier, raciste, qu'on appelle l'État français, le régime de Vichy, voire le régime de Pétain. Dès le 10 juillet 1940, alors que l'armistice a été signé depuis une quinzaine de jours, députés et sénateurs sont réunis dans le grand casino de Vichy. On signale déjà que plus d'un tiers de ces parlementaires ne sont pas là, soit parce qu'ils ont été enfermés ou révoqués, c'est-à-dire les communistes, soit parce qu'ils sont déjà partis dans la résistance du côté de l'Afrique du Nord ou certains du côté de l'Angleterre. Donc il y a en fait sur 900 parlementaires, 640 présents à peu près, et sur ces 640, 572 ont voté en faveur de ce qu'on appelle la révision constitutionnelle. Mmh. Important parce que ça nous signifie qu'il ne s'agit pas d'une remise en cause formelle de la République. Donc je lis cette révision qui est un article unique en fait. L'Assemblée nationale donne tout pouvoir au gouvernement de la République sous l'autorité et la signature du maréchal Pétain à l'effet de promulguer par un ou plusieurs actes une nouvelle constitution de l'État français. Cette constitution devra garantir les droits du travail, de la famille et de la patrie. Elle sera ratifiée par la nation et appliquée par les assemblées qu'elle aura créées. Alors, en fait, toute la dernière partie du texte ne sera jamais mise en œuvre. Il n'y aura pas de vraie constitution, il n'y aura pas de vote et il n'y aura pas de nouvelle assemblée. Donc, le Parlement n'a pas été dissous formellement, mais les deux assemblées sont ajournées jusqu'à nouvel ordre. Il y a un historien, je crois que c'est Jules Jeannet, qui a dit qu'elles étaient transformées en congrégations contemplatives. Tandis que le 24 juillet 41 était mis en place un Conseil national qui n'a vraiment pas vraiment fonctionné. Dans la réalité, qu'est-ce qui a été ce qu'on appelle l'État français ? Ben, je crois qu'il faut insister sur un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les détailler en les datant, mais simplement dire que c'est un régime autoritaire et policier. D'abord parce que, dans les faits, la suppression de la liberté individuelle est effective. Parce que la liberté de la presse est totalement suspendue. Il y a même instauration d'un secrétariat général de l'information, c'est une première, qu'on va retrouver après la guerre d'ailleurs, mais c'est une première sous la Troisième République, qui est chargée de coordonner la propagande officielle. Là aussi, c'est une première. Et On voit bien que le modèle de Troisième Reich ou de l'Italie fasciste a eu un certain effet. La justice est mise au service du pouvoir. Je signale simplement que c'est sur ordre personnel de Pétain que Léon Blum a été interné, puis jugé dans un procès qui a fait finalement chou blanc le procès de Rion. On a supprimé les organes élus, comme les conseils municipaux dans les communes de plus de 2000 habitants. Alors ça nous concerne particulièrement, Michel, puisque les municipalités sont désormais nommées par le gouvernement, comme c'était le cas sous le régime de Napoléon III. Les délégations spéciales. Voilà, ce qu'on appelle les délégations spéciales. Donc à Saint-Étienne, le maire Ferdinand Faure est révoqué et on va nommer un nouveau maire qui s'appelle Guyot. Au Chambeau-Feugerolles, Petrus Faure est révoqué. À Rive-de-Gier, Claude Drivon est révoqué. Voilà. Comme par hasard, c'était tous des gens qui avaient soutenu le Front populaire. Ah, tout à fait. C'est ça. Hein, oui. Tout à fait. Drivon, c'est un vieux socialiste. Voilà. Donc, il est assez âgé. Hein. Il est des années 70, 1870. Ah oui. Plus âgé. Et il a parcouru tout le chemin de la SFIO à la création du Parti communiste, ouais. Ensuite qu'il a quitté, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Comme Ferdinand Faure d'ailleurs, qui est un peu plus jeune, qui est né en 1880, ouais. Mais c'est les mêmes cibles en fait. Et parmi ces cibles justement, il faut signaler le démantèlement de l'enseignement laïque. Et au contraire, un bon coup de pouce qui est donné aux congrégations religieuses qui reviennent dans l'enseignement. La deuxième chose importante, j'ai oublié quand même, la suppression du droit d'association et qui touche notamment les syndicats par une loi entre guillemets de novembre 1940. Mmh. L'État français est aussi un régime répressif et raciste. Ça, c'est la chose qui est souvent la plus connue, qui surveille et réprime tous ses adversaires. Qu'ils soient francs-maçons, les francs-maçons sont la cible déjà au mois d'août 1940. Les juifs, le statut du 3 octobre. Avec déjà la loi du 30 juillet 40 qui implique la francisation de la fonction publique et qui leur interdit la fonction publique. Oui, mais il y a les. Et après, il y a les statuts d'octobre 40 et du mois de mai 41. L'internement administratif aussi, c'est-à-dire sous décision du préfet. On peut enfermer des gens qui ont été engagés du côté du Parti communiste ou dans les syndicats. Et on va chercher dans leur passé des choses qu'ils ont pu accomplir en 1936 ou au moment de la grève de 1938, novembre 38. C'est les deux critères qui sont retenus. Oui, d'autant qu'il y avait des dossiers qui étaient... Ils étaient tout prêts. Ils étaient tout prêts, ils étaient prêts à servir. Voilà. Ça, c'était contre les décrets d'Aladier. C'est ça. Et face à cette installation de l'État français, qui dans un premier temps connaît une certaine popularité, incontestablement le maréchal Pétain est très populaire, mais ça va vite changer. Face à ça, donc, s'installe difficilement, d'abord de façon très minoritaire, la résistance qui va se donner comme objectif de contrer l'occupation par les actions de renseignement, de sabotage, voire de lutte armée plus tard, et la collaboration, contrer la collaboration, tout en se préparant à organiser le rétablissement de la légalité républicaine. C'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui. Mais en attendant le moment de la libération et le retour du grand jour de la résistance, au grand jour de la résistance, c'est la clandestinité, la lutte dans l'ombre, et cette lutte est notamment signalée par le fameux chant des partisans dont nous allons aujourd'hui vous proposer l'interprétation a cappella par Catherine Ribeiro, la grande chanteuse des années 60-70, récemment disparue. Sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Vous êtes sur Radio Duo dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui au Conseil départemental de Libération, et nous retrouvons tout de suite nos invités Michel Destour et Jean-Michel Stenner. Et donc composé par la guitariste Anna Marly sur des paroles de Joseph Kessel et de Maurice Duron. Cette chanson, ce chant des partisans, permet de restituer un peu l'intensité dramatique des derniers mois de l'occupation et de revenir à ce qui se passe en ce début d'été, et cet été 1944. Je signale dans un premier temps, avant de parler du CDL, que le CDL est une émanation du Conseil national de la Résistance, créé en mai 1943 sous l'impulsion de Jean Moulin, puis après la mort de celui-ci sous la présidence de Georges Bidault. Le programme du CNR, qui date de mars 1944, qui est connu quelquefois sous le titre des Jours heureux, proposa un plan pour la remise en route du pays. En même temps, à Alger, le Comité français de libération, mis en place par le général de Gaulle, essaye de rétablir une forme d'État avant de devenir gouvernement provisoire de la République française. Et c'est ce gouvernement provisoire de la République française qui, par l'ordonnance du 9 août 1944, a affirmé, c'est important pour toute la suite de l'histoire du pays, la forme de gouvernement de la France est et demeure la République. En droit, c'est bien ce que j'ai dit au début, celle-ci n'a pas cessé d'exister. Ce que Vichy n'a pas supprimé la République. Sont en conséquence nuls d'effet tous les actes constitutionnels, législatifs ou réglementaires, ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution sous quelque dénomination que ce soit, promulgués sur le terrain continental postérieurement au 16 juin 1940, jusqu'au rétablissement du gouvernement provisoire de la République française. Alors cette remise en route, elle semblait assez facile, mais dans la réalité, les choses sont plus compliquées parce qu'il y a des enjeux entre les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs que le CNR, le GPRF vont vouloir mettre en place, et puis ce qui se passe dans la réalité sur le terrain. Alors, dans la Loire, dans chaque département, il y a un comité départemental de libération. Dans la Loire, il a été constitué le 15 avril 1944, et après de longues tractations qui aboutirent à sa formation donc définitive au début de l'été 1944. Et dans ce gouvernement provisoire, on va signaler quand même que les communistes se sont un peu taillés la part du lion, soit sous l'appellation Parti communiste, soit sur le rôle par les représentants de la CGT, par les représentants du Front national. Donc il y a un rapport de force sur le terrain, mais Michel, tu vas nous expliquer ça un petit peu plus en détail. Cela dit, le CDL est chargé de mettre en place des municipalités provisoires, un peu comme pour remplacer celle que Vichy avait mise en place, de remettre en route l'économie, d'approvisionner la population, ça c'est un point très important, de décider du sort de la presse, et dans la Loire c'est particulièrement vrai parce que les trois journaux quotidiens, Le Mémorial, La Tribune et, j'ai oublié le troisième, La Loire Républicaine, ont paru jusqu'à la fin, donc ils tombent sous le coup des mesures prévues par le CNR. Mais ça, on a prévu de faire une émission spéciale là-dessus. L'épuration et prévoir l'organisation d'élections et le vote des femmes, notamment. Ça sera aussi l'objet d'une autre émission. Alors, avant de voir la complexité, enfin, pour définir la complexité, après, je crois que Michel, c'est toi qui vas parler une grande partie du temps. Sur cette période, je voudrais juste signaler ce qu'a écrit Jean-Pierre Azéma dans son livre « De Munich à la Libération ». Il consacre son dernier chapitre sous le titre « Libéré et insurgé » et il parle du kaléidoscope français pour définir la complexité de la situation. Alors je lis simplement les titres des différentes parties. Il définit la France à l'américaine, un pays ami mais occupé. La France à l'allemande, un champ de bataille vital et des vaincus corvéables à merci. Les Américains sont arrivés, mais les Allemands sont encore présents, au moins jusqu'à la fin d'année sur le territoire. Et il reste des poches allemandes. Et il reste des poches allemandes jusqu'au mois de mai. Jusqu'en 1945. Voilà, tout à fait. La frange vichysoise, qui est en train de se dégonfler, illusion, peau de chagrin et bouclier percé. La France gaulienne, une France unie au combat, souveraine, restaurée. Ça, c'était le vœu du général de Gaulle. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'il avait prévu lui-même. La France des résistants, une France insurgée, purifiée, neuve. Et la France moyenne, c'est un peu celle qu'on va voir en filigrane dans tout ce que tu vas nous raconter, libre, qui veut vivre libre et survivre. Et je crois qu'il a oublié une chose quand même, c'est la France hors de la France, c'est-à-dire tous les prisonniers et déportés qui ne sont pas encore rentrés et dont la plupart ne rentreront qu'à partir du mois d'avril et du mois de mai 45. Alors, avant de passer, on va écouter la chanson, une des chansons emblématiques de la Libération, chantée par Maurice Chevalier, Fleur de Paris. Mon épicier l'avait gardée dans son comptoir, le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien la dorlotait dans un bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour. Du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Fleur de chez nous, elle a fleuri de partout, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge, elle était vraiment avant tout fleur de chez nous. Papa, Vous êtes sur Radio Dio dans l'émission du Grémos, émission dédiée aujourd'hui au Conseil départemental de Libération. Et nous retrouvons tout de suite nos invités, Michel Destour et Jean-Michel Stenner. Alors Michel, tu me disais que tu avais beaucoup entendu cette chanson quand oui, tu étais quand jeune. Oui, quand j'étais enfant, on écoutait Radio Lyon, hein, parce que c'était la radio qui était la plus proche. Et qu'on entendait le mieux, il y avait beaucoup de... On écoutait Radio Lyon et il y avait cette chanson. On écoutait Jean Nocher, on écoutait des tas de choses comme ça. Voilà. Alors, Fleur de Paris sur une musique d'Henri Bourter, écrite par Maurice Vander, qui pensait à Maurice Chevalier, qui était déjà un chanteur très célèbre. Et raconte, Maurice Vander raconte que Maurice Chevalier avait d'abord refusé de la chanter par crainte des représailles. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même l'appel... à la liberté, là. Hein. Le percepteur l'a conservé dans son tiroir. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le pharmacien l'a dorloté dans un bocal. Donc, c'est une chanson. Il y a 4 ans, il parle des 4 ans qui ont été 4 ans. Et on va la restaurer au bout de 4 ans. Elle a fleuri au bout de 4 ans. Et donc, ça nous amène évidemment à comment on va vivre cette... Comment on va vivre la libération. Voilà. Alors, avant de vivre la libération, il faut quand même rappeler, bien sûr, le contexte. Tu rappelais que il y a beaucoup de manquants. Il faut savoir que les derniers déportés sont partis de Lyon par Compiègne jusqu'au mois d'août 1944. Et la libération intervient pour la région, en tout cas pour la Loire, entre le 20 et le 22 août 1944. C'est dire. Hein. C'est dire aussi que la population vit dans un cadre où il y a une répression intense qui a sévi pendant tout l'hiver et pendant tout le printemps. Et il va y avoir, bien sûr, on attend les débarquements, le débarquement de Normandie, le débarquement de Provence, avec beaucoup d'espoir. Mais il y a des désespoirs, parce que le jour où les bombes tombent, les bombes alliées, tombe sur Saint-Étienne, c'est dramatique. On ne comprend pas. Hein. On a du mal et ça continue. Il y a Givors, il y a Lyon. On est sans arrêt à la fois dans une alternance vraiment de grand espoir et de désillusion. Hein. Je crois qu'il faut bien le comprendre. Il faut comprendre aussi que c'est une population épuisée par la disette, par le manque absolu. C'est une population ouvrière. Quand on pense au bassin stéphanois, on pense bien sûr, moi je suis de la vallée du Gier, mais on pense à la vallée de l'Andenne, on pense à Saint-Étienne, une population ouvrière qui a manqué de tout pendant la guerre. Qui a manqué en particulier de ravitaillement, qui a manqué d'habits. Moi, je me souviens avoir écrit beaucoup sur les galoches et sur les souliers. Il n'y avait pas de souliers. Il n'y avait pas de souliers pour marcher. Il n'y avait pas de souliers pour aller travailler. Et on le verra quand on retrouve les premiers conseils municipaux qui vont avoir lieu en septembre. Tout ne va pas se remettre en route. Hein, la municipalité de Grand-Croix, par exemple, signale qu'il n'y a pas de car. Et les transports collectifs sont impérativement... il faut impérativement les avoir pour pouvoir aller travailler. Les gens de Grande-Croix vont beaucoup travailler sur toute la vallée, et en particulier sur Rive-de-Gier. Comment y aller ? On y va, bien sûr, en vélo, voilà. Et la libération, quand les derniers combats ont lieu, parce qu'il y a des combats. À Rive-de-Gier, on a des combats, le 20 août, on en a un autre le 21. Il y a des combats. Il n'y en a pas sur Saint-Étienne. Il n'y a pas eu de soulèvement. Hein. Il n'y a pas eu de soulèvement. Il y a, bien sûr, des incidents plus que ça dramatiques, qui sont, par exemple, à Hanau, etc. Mais il va y avoir aussi les combats de Brignais. La libération, on dit, Rive-de-Gier fête sa libération le 23 autour du bassin. Mais en fait, il y a une grande partie des résistants sédentaires qui sont partis se battre à Brignais. Et on va se battre pour la libération de Lyon jusqu'au 3 septembre. Il y a ce moment absolument... très particulier, où on ne sait plus qui commande, on ne sait plus quoi attendre, on ne sait plus si c'est l'espoir ou le désespoir. Un vide de pouvoir. Je crois que c'est important de le dire. Pour ce qui concerne la mise en place du CDL, alors il faut dire quand même, il faut rappeler qu'il y a deux pouvoirs. Il y a le CDL, qui est l'émanation directe du CNR, des organisations résistantes, mais il y a aussi la préfecture. Il y a donc un commissaire régional qui a été nommé, c'est Yves Farge, préfet de région, et il va nommer d'autres préfets, il va nommer sur Mongeauvis à Saint-Étienne, qui est un communiste. Les communistes sont très présents, tu l'as dit. Ils sont très présents parce qu'ils ont, à mon avis, un projet qu'ils mènent depuis toujours. Le projet, c'est prendre le pouvoir, que le peuple prenne le pouvoir. Et je crois que c'est quelque chose qu'ils ont d'autant plus, c'est que c'est une idée qui va traverser avec eux toute la période de l'occupation et de la résistance. Et là, eh bien, ils sont un peu aux manettes, ils se sont montrés courageux et ils ont été audacieux dans la résistance. Il n'y a pas eu qu'eux, bien entendu, mais ils ont été actifs et ils entendent avoir des pouvoirs eux aussi. Donc la préfecture de la Loire va être prise par Mongeauvis. Yves Farge va nommer Mongeauvis à Saint-Étienne. On estime que la Loire, ça n'est pas le Rhône, puisque les communistes revendiquaient le Rhône. Et Mongeauvis arrive. Et il est d'ailleurs intéressant de voir qu'il est accompagné et secondé par De Sugny, qui est le marquis communiste qui a organisé la République d'Annonay, qui malheureusement n'a pas résisté suffisamment, en tout cas qui a résisté mais qui a été vaincu et qui va durer je crois que c'est du 6 juin au 19 juin. Donc on voit un peu comment se font les choses. Quelque chose de très prématuré par rapport à la situation réelle. Bien sûr. Et c'était quelque chose, bien sûr, qu'on a vu d'autres drames de ce type. On en a vu au Mont-Mouchet, on en a vu au Glière, on en a vu dans des tas d'autres endroits et encore plus dramatiques qu'à Annonay. Voilà, mais c'est pour expliquer. Et quand la résistance descend d'Estivareil, il y a bien sûr Djenjen avec Marais qui occupe le terrain militaire, l'encadrement militaire, mais ils ont à leur côté, s'occupant également de commandement militaire, des communistes. Les communistes ne sont pas loin, ils sont là, ils occupent la place, y compris des gens qui, par exemple, sont des résistants, on va dire d'ailleurs, entre guillemets, parce que à Merlin, par exemple, c'est un résistant plutôt de l'allié, et il revient sur la place de Saint-Étienne pour occuper des fonctions. Il va y avoir également tu l'as dit, le Parti communiste va démultiplier un peu les organisations qui sont les siennes, Front national, Parti communiste, Femmes françaises, jeunesse. Et puis, il a développé, dès qu'il a senti, parce que ce qui serait remarquable et ce qu'il faudrait tout expliquer, c'est le parcours qu'on va faire de la réunion de Paris, de la rue du Four, toute cette construction clandestine d'un pouvoir qu'on va mettre en place. Et chacun va jouer sa partie. Dans sa partie, le Parti communiste pense qu'il faudrait mettre en place des milices patriotiques qui vont remplacer la police et qui vont assurer, bien sûr, la sécurité, mais également tout ce qui concerne une grande partie de l'épuration avec la justice. Voilà. Donc on va retrouver également des gens qui vont encadrer de ce point de vue-là. On va peut-être revenir sur la situation du GIE, puisque c'est une illustration de ce que tu as expliqué. Oui. Effectivement, on est en train, avec mon amicale, d'essayer de bâtir une brochure sur justement ces municipalités qui s'installent qui se transforment à la rentrée 44. Donc pour le moment, j'ai des éléments assez, on n'a pas complètement construit. Je connais bien Rive de Gier parce que j'y ai déjà travaillé dessus. Bien sûr que Claude Drivon, c'était le maire socialiste de Rive de Gier depuis 1922. Il est suspendu par Pétain. Tout son conseil municipal part avec lui. Il est remplacé par un patron de Rive de Gier, Michel Valette, donc des établissements des forges Brunon Valette. Et pendant 4 ans, Valette va assurer au niveau de la délégation spéciale l'autorité à Rive de Gier. On pourrait revenir sur Valette, mais on va d'abord parler de Drivon. Le dernier conseil municipal de Rive de Gier, pour donner un peu une idée, c'est le 14 juillet. 14 juillet 1944, dernier conseil municipal de la délégation de Michel Valette. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'intermède, mais Michel Valette est suffisamment intelligent pour savoir qu'on ne va pas gagner. Ce n'est pas eux qui vont gagner. Les autres arrivent, ils ont débarqué. Le débarquement de Provence est attendu et il va y avoir sans doute de la place à faire. Les gens qui sont au CLL, parce qu'il y a le comité départemental, mais il y a également des comités locaux. Les comités locaux sont souvent animés, bien sûr, par la résistance locale. À Rive de Gier, on a la résistance locale. C'est essentiellement l'armée secrète, les FTP et la Buckmaster. Buckmaster Ange. Ils sont à part égale pendant toute une partie de la résistance. Et puis, la répression va surtout frapper très durement les communistes donc, au début de l'hiver, en février-mars, et l'armée secrète et Buckmaster ensuite. Quand les derniers combats se font, le CLL est quand même déjà constitué. On le sait. Il est composé essentiellement par des gens des murs, qui sont souvent affiliés à l'armée secrète, par des gens donc, des... Les murs, mouvement uni de la résistance, c'est ça. Mouvement uni de la résistance. Donc c'est des gens, souvent c'est des gens des équipes chrétiennes c'est d'ailleurs. Chez nous, c'est des gens des équipes chrétiennes, et puis des gens bien sûr de l'armée secrète. Donc Marcel Arnaud, qui est un des dirigeants de l'armée secrète de Rive de Gier, va penser qu'il va être maire de Rive de Gier. Et il va y avoir, bien sûr, des FTP. Alors je reste prudente, mais bien souvent, ça n'est pas des résistants que l'on a beaucoup connus bien avant septembre. Et quand on parle souvent des IRM, résistants de IRMS. De septembre. On voit arriver des gens qu'on n'a pas vus auparavant. Ce qu'on appelle les RMA, résistants du mois d'août, et RMS, résistants du mois de septembre. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire que ça soit essentiellement qu'eux, mais quand même, les noms qui sont là... ne sont pas forcément des gens qui, comme Johannes Bonnel, etc., ont vraiment payé de leur personne. Ils sont là, et le dernier combat arrive de Gier, le dernier combat de la résistance contre l'armée qui descend de Chazelles-sur-Lyon, c'est au Vern et à Saint-Martin-la-Plaine, et c'est le 21 août. Le 22 août, les gens du CLL sont au balcon de la mairie pour dire « Eh bien, nous sommes là ». Mais Claude Drivon, qui connaît bien la politique, dit « Mais attendez, moi, je suis le maire élu et autorisé par le gouvernement provisoire à revenir avec mon équipe. » Il faut rappeler ça, que le gouvernement provisoire avait dit sauf délégation spéciale nommée par Vichy, on rétablit l'ancien conseil municipal. Et je précise, excuse-moi Michel, mais je précise que Monique Lurard a bien insisté sur le fait que dans cette opération qui va voir les communistes gonfler beaucoup de dans des municipalités où ils n'étaient pas présents en 1936, c'est une opération qui va coûter beaucoup à la CFIO, par contre, aux socialistes. Que ce soit dans l'Ondaine, oui, ou que ce soit dans la vallée du Gier. Elle le dit dans un de ses chapitres. Mais tu as, par exemple, Harry de Gé, on le verra, parce qu'il va être réélu, Drivon. Il sera réélu en 45. Ah oui, mais ça, oui, mais en intervalle, c'est... Quand il arrive, quand il le voit, alors il n'a pas participé en tant que tel à la résistance. La dernière fois qu'on voit apparaître Claude Drivon en tant que militant, il est à l'accueil des réfugiés. Il faut savoir que quand les réfugiés du Nord arrivaient en 40, parce que... Au mois de juin 40. Ouais. Il fallait les recueillir et tout ça. Et dans cette ville de Rive-de-Gier, ils sont là au mois d'août. Ils sont 350 et ils vont être nourris, logés, habillés par les gens de Rive-de-Gier. Et Claude Drivon est là aux manettes. Mmh. Il est aux manettes d'ailleurs avec une fille qui va être ensuite une des premières femmes qui va figurer dans la délégation spéciale de Valette. Ah oui. C'est-à-dire dans les délégations spéciales, tu as généralement quelquefois des femmes. Ah oui, oui. C'est d'ailleurs quelque chose d'assez étonnant que Vichy a finalement nommé les premières femmes. Voilà, mais alors c'est des femmes souvent, si tu veux, c'est des mères de famille. On leur confie, mais ce sera pareil après avec le CLL, on leur confie les tâches, service aux enfants, c'est ravitaillement, rôle d'assistante sociale. Assistante sociale, tout à fait. Voilà. Donc... je crois que Drivon n'a pas été dans la résistance même, parce que d'abord il n'en pouvait plus, il est mort en 1946, il était épuisé. Et donc il avait... Il était âgé. Il était très âgé. Il est mort, mais par contre, il a son fils, qui est lui un combattant de Buckmaster et qui va perdre l'usage d'un bras à Saint-Michel-du-Rhône. Et on peut dire qu'Auguste Drivon, le fils, c'est vraiment un grand combattant. Je le dis parce que c'est quelque chose qui n'a pas... il n'a pas brillé à Rive-de-Gier. Il n'a pas essayé de briller, en tout cas. Mais je crois qu'il faut reconnaître ça. Et Drivon, sans doute, a été en contact avec Buckmaster. Parce que si Buckmaster a aussi bien pénétré dans Rive-de-Gier, les premiers contacts ont été à la mairie. Avec des chefs de service. Et donc, Drivon était sûrement là aussi de connivence. Voilà, donc, il va y avoir des coups de poing sur la table, mais Drivon ne se laissera pas démonter. Il va arriver avec son équipe d'anciens, qui sont comme lui relativement âgés. Et il dit, c'est moi, le maire, je m'installe. Et je le dis parce que, chose curieuse, il va valider, j'ai retrouvé dans les affaires de mes parents, mes parents sont mariés le 29 juillet 1944, et mon père avait plus ou moins des vieux papiers, des faux papiers, pardon, qui lui avaient été... Et donc, Drivon va valider, légitimer certains mariages qui se sont faits de façon à ce que les gens n'aient pas de problème. Et j'ai un document de chez mes parents qui le prouve. Donc il est là, et dès qu'il va arriver, il va dire c'est moi. Si tu me permets, juste une incise, il y a le cas de Saint-Étienne quand même qu'il faut évoquer. Absolument. Parce que la municipalité qui est en place en juin 40, c'est une municipalité qui est issue du Front populaire. Elle a été élue en 35. Elle était présidée d'abord par Louis Soulier, et à la mort de Louis Soulier, c'est Ferdinand Faure qui a pris la place. Or, les communistes vont tout faire pour empêcher que Ferdinand Faure revienne, parce qu'il lui voue une détestation. Je rappelle que Ferdinand Faure a été à l'origine de la création du Parti communiste dans la Loire, puis qu'il l'a quitté dès 1923. Et quand, en mai 40, il a quand même témoigné au procès des communistes qui avaient été... accusé de ne pas valider le pacte germano-soviétique qui est tenu à Clermont-Ferrand. et dont certains, Claudius Buard, Marius Patineau, tout ça, se sont retrouvés en prison. Or, c'est ceux-là qui reviennent à Saint-Étienne au premier plan dans le Parti communiste, et évidemment, ils vont tout faire pour l'empêcher, Ferdinand Faure, de revenir à la tête de la municipalité. Voilà, mais Drivon a à peu près le même parcours. Ouais. On se retrouve avec le même parcours. Mais avec... sans doute plus, il était très peuple, hein. Donc il avait des comportements, par exemple, en 38, quand il y a les grèves contre les décrets-lois d'Aladier, Drivon est devant et dans les manifs, hein, et il va défendre les ouvriers qui ont été licenciés. Donc, je pense que c'est plutôt des éléments là, des murs et de l'armée secrète qui auraient souhaité prendre la municipalité. D'accord. Alors, il va y avoir quand même des gens qui vont arriver, parce qu'il y a des trous, hein, tout le monde n'est plus là. Oui. Hein, y a des gens qui ont été déportés. Tu as Charles Villeneuve, qui était de Buckmaster, qui a été déporté. Il est en déportation. Il est représenté, il est représenté à la mairie. Hein. Comme on met dans les trous, dans ceux qui ont disparu du conseil municipal, on va les remplacer par des gens qui sont absents, on espère momentanément. Donc Charles Villeneuve est déporté, il y en a un autre qui est prisonnier de guerre, donc qui est là, qui est parti depuis 5 ans. Voilà, on va se retrouver avec ces gens-là. Et puis, il y a des... Je crois que j'ai la liste quelque part. Drivon, donc, il y a des PS, ils sont nombreux, mais vont s'y ajouter. Villeneuve déporté, je l'ai dit. Chalancon-Régis, qui est représentant prisonnier de guerre. Hein. Le capitaine Marcel Arnaud, armée secrète, lui va... siéger dans... C'est le CLL qui le propose, et le CDL le propose, et il en est. Schneider Alexandre, c'était du groupe franc armée secrète. Mon père était dans ce groupe. Hein, va suivre du Parti socialiste, du Front national, de la CGT, du Parti communiste et des équipes chrétiennes. Hein, il y en a une dizaine comme ça, voilà, qui vont être représentés parce que c'est un peu la règle. Voilà. Et sur les mesures concrètes Sur les mesures concrètes, alors, ce qui est très concret, c'est qu'il faut qu'il y ait une reprise des activités habituelles. Absolument. Parce que la vie doit reprendre. La vie doit reprendre dans cette ville, justement, où il y a tant de manques. Donc, on reprend les affaires. On reprend les affaires. Il y a, alors, j'ai noté quand même des interventions politiques, parce qu'il y en a. À un moment, les fameuses milices patriotiques, qui sont animées principalement par des communistes, hein, le principal animateur des milices patriotiques pour la Loire, c'est Jean Chalut, qui est un communiste avéré, notoire, un résistant. Et il va y avoir De Gaulle. Va dire en novembre, quand il met un peu plus le nez dans les affaires, c'est qui ça ? Donc il va y avoir dissolution de ces milices patriotiques qui en font un petit peu trop au niveau de l'épuration. On souhaite qu'il y ait une justice qui se fasse au niveau de l'épuration, mais qu'elle se fasse de façon beaucoup plus régulière. Et il va y avoir, bien sûr, un tollé. Et il va y avoir dans les municipalités, là, il y a un conseiller municipal communiste nommé par le CLL qui va demander à ce que le conseil municipal se prononce contre la dissolution des milices patriotiques. Et le conseil municipal dit « mais pourquoi pas, on va peut-être les garder ». Pourquoi pas, ils sont prêts à voter. Et le seul qui va s'y opposer, ça va être un gars des équipes chrétiennes et qui va dire c'est pas notre rôle, etc., etc. On va avoir la même chose parce que ce qui va régler un peu le problème, il faudrait faire toute une émission là-dessus, sur les velléités du Parti communiste d'insurrection, etc., c'est le retour de Thorez. Oui, bien sûr. Hein, et la recomposition des blocs au niveau européen, voire davantage. Mais il faut produire. Et l'intérêt, c'est effectivement que la France réarme pour continuer la guerre contre l'Allemagne. Et ça, c'est une demande de Staline, en fait. Bien sûr. Et il va y avoir sûrement une entente. Alors, on sait que Thorez a passé toute la guerre en URSS. Mais on sait aussi que de Gaulle, il n'est pas communiste du tout, il est tacticien. Ouais. Et il se dit, finalement, il se met d'accord. Ça va marcher. Ouais. On va le faire revenir et on verra bien. Et c'est Thorez qui dit, on en finit. C'est lui qui marque, qui marque le coup d'arrêt et qui dit, c'est fini, on reprend le travail. J'ai retrouvé aussi une phrase de Benoît Frachon, d'ailleurs, qui est de la région. Bien sûr. Hein, et qui, lui, appelle aussi... Il faut dire que les milices patriotiques, si tu me permets, c'est ainsi aussi, avaient été, je ne dirais pas envahies, mais enfin investies beaucoup par les mineurs qui pensaient comme ça échapper à la descente au fond. Et donc, on avait besoin... On avait besoin que les mineurs retournent au fond pour travailler. Donc. Mais c'est le fait aussi d'avoir ces milices patriotiques, ce n'est pas non plus complètement étranger à d'autres résistants. Il faudrait parler de l'ambiguïté. Il faudrait parler de l'ambiguïté des positions résistantes. Mais certains résistants, quand bien même ils n'étaient pas communistes et qu'ils n'avaient pas... Mais ils sont... Comment dire, pour des gens qui ont par exemple vécu le Front populaire, la libération, c'est un retour. Oui. Hein, c'est un retour et pourquoi pas, ensemble, aller plus loin. Et on va d'ailleurs aller plus loin avec les propositions qui ont été faites d'abord par le CNR. Il y a quand même la question d'épuration. Parce que entre le Front populaire et la libération, il y a eu Vichy, la collaboration. Et qu'est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur la façon dont se déroule l'épuration dans la vallée du Gier. Dans la vallée du Gier. Ouais. Bon, ben, tu as des épurations sauvages. Alors, elles ont commencé avant la libération. Ouais. Elles vont Voitot, qui est un collaborateur notoire, il est installé au Verne, il est dans les derniers temps de la guerre, enfin de l'occupation, pas de la guerre, parce que la guerre, elle se termine en 45. Il est installé et il va être attaqué le 8 août. Alors qu'ils sont en famille, c'est un collaborateur notoire, toute la famille. C'est un collaborateur notoire, il va y avoir un attentat. Il va y avoir un attentat chez lui, sa mère sera tuée, et il y aura des choses comme ça. Il va y avoir, dans la vallée du Gier, les parents d'Rix, qui vont être liquidés à Longonan. Le fils était collaborateur, mais les parents, c'est eux qui sont tués. Il va y avoir également... on raconte aussi, par exemple, les femmes tendues. Oui. Ça fait partie aussi des choses qui sont faites au niveau de la libération. Et au niveau des femmes tendues, on a par exemple des femmes... Alors nous, je ne sais pas si elles seront tendues à Rive-de-Gier, mais en tout cas, elles seront mises en... On les déshabillera et on les fera défiler en combinaison. Ouais. Misette. À moitié nue, on va dire. Je dois le dire parce que c'est... Une fille de l'armée secrète, donc Marie Bonnard, qui va arrêter et qui va leur dire « Je suis une moi résistante et je ne veux pas de ça ». Et c'est un élément très, très frappant. Et ils vont être très étonnés d'ailleurs. C'est des hommes, ils sont là, elles ont couché avec les Allemands, pourquoi pas les punir ? Et c'est cette résistante qui va s'y opposer. C'est pour dire quelques mots là-dessus. Mais je souhaiterais peut-être passer à Grand-Croix. Oui, vas-y. Alors, Grand-Croix, on a parlé de Claude Drivon. On a parlé de Claude Drivon, mais il faudrait parler également de Tessonnerre, Pierre. Pierre Tessonnerre. Également maire socialiste. Mais avec quelque chose de différent. Quand on voit son parcours, c'est bien sûr qu'il a été la SFIO. Mais il n'a pas... Il est de... Je crois qu'il est de 92, si mes souvenirs sont bons. Il n'a pas connu toute l'épopée de la même façon que Drivon, de la constitution du Parti communiste, de la création du Parti communiste, etc. Par contre, lui, il est allé à la guerre de 14. Et il a été blessé à la guerre de 14. Il est fils de mineur, il est contremaître électricien, je crois, aux mines. Et donc, il a été élu en 35. Je pense que c'est SFIO plutôt républicain, modéré, etc. Quand il y a l'épisode d'Aladier, il est également, il soutient ceux qui ont les ouvriers qui ont été licenciés. Mais quand arrive Pétain, ce que tu disais tout à l'heure, eh bien, pour lui, c'est le vainqueur. C'est le sauveur. C'est le sauveur. Mmh. Et il va rentrer dans la Légion des combattants. Yeah. Et lui, il va garder sa mairie pendant toutes ces années. Ah oui. Il va garder pendant toutes les années de Vichy, il va garder sa mairie. Et il va lui arriver le contraire de Drivon. Mmh. Il est resté. Alors, il lui arrive d'abord quelque chose d'effroyable. C'est l'épisode des fusillés de la Bachasse à Grand-Croix. Où, d'une certaine façon... Il va montrer un autre visage. Il a collaboré sans dénoncer, sans aller au-delà. Mais il a soutenu. Donc arrive le 12 août. Je rappelle que la vallée du Gier est libérée le 22. Mmh. Le 12 août, des gens des FTP, hein, du Pila, sans doute de Vérane, sont descendus pour boire un coup dans la vallée du Gier et plus, parce qu'il y a à ce moment-là besoin d'argent pour acheter des fusils, etc. Il y a des réquisitions. Ils sont en train de boire un coup et passe une voiture allemande, ils tirent. Il y a un Allemand qui... Ils ont mis des canons. Et il y a un Allemand qui est blessé. Qui est tué, blessé. Les Allemands vont revenir le lendemain. Ils vont revenir le lendemain et ils vont aller prendre Tessonner, le maire, et ils vont prendre également avec lui des otages parmi la population. Et ils vont faire sauter le bistrot dans lequel les gars de l'FTP étaient installés. Et donc, Dervieux hein, et une autre dame sont tués pendant cet attentat. Et il menace de descendre également des otages. Et Tessonner va parlementer. Et les otages de la population sont remplacés par des otages, comme on en avait l'habitude, à Montluc, oui, etc., par des otages résistants. Donc vont être amenés 5-6 résistants de Saint-Étienne qui vont être fusillés devant tout le monde. Hein, donc Garcia, Béal, Vinéis, Poulain, Ferry. Hein. Deux sont de la Manu, Garcia et Béal. Ils ont été arrêtés. Pour sabotage, etc., de conduite résistante. Ferry et Poulain, c'est des gars d'Annonay qui ont été tués par la Wehrmacht à la Versanne, dans le creux de la Versanne au mois de juin, après le fameux épisode d'Annonay. Vinéis, lui, est un prisonnier de Saint-Maurice-en-Gourgois. Donc ils sont là, ils sont amenés, ils sont tués devant tout le monde. Et parce que, bon, ils remplacent d'une certaine façon. Mais la population a vu son maire se dire « Je suis prête à être, moi, fusillé à la place de ma population. » Et ça, c'est resté quelque chose de très profond. Quand on fait les manifs à Grand-Croix, je crois que ça serait, ça serait difficile de l'oublier. la population a gardé du respect pour cet homme-là. Et voilà, mais il va être écarté. Il va être écarté, et là, le CDL, et là, c'est très, très net, le CDL intervient très rapidement, puisque le premier conseil municipal exceptionnel pour nommer le maire, il est convoqué par le CLL, et le CLL désigne, et il est bien dit dans le compte-rendu, le CLL est désigné pour remplacer l'équipe précédente. Voilà, donc on viendra sur... Ouais. Je pense qu'il faut conclure, donc on viendra à un autre moment parler de tout ça, quand je présenterai la brochure. Simplement, ce serait bien que tu reviennes effectivement à ce moment-là. C'est ce que, derrière tous ces événements dramatiques que tu as évoqués, notamment avec l'épisode de la Bachasse, il y a quand même cette libération qui est un mouvement aussi d'exaltation, tu l'as dit au tout début. Et on va le sentir à travers cette chanson interprétée par Rogers, qui en fut le premier interprète à la Libération, écrite par Jacques Larue et mise en musique par Louis Guy, qui comporte de savoureuses strophes qui annoncent le retour à la France bien de chez nous, telle qu'on la connaîtra sous la 4e République. Carreau, d'ouvrir la portière et d'embrasser tout comme du bon pain. Ce vieux clocher dans le soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands blés mûrs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Ce jardinet où l'on voit chiens méchants, ça sent si bon la France. À chaque gare un murmure, en passant vous saisit. Père Ibérec, en voiture, ça sent bon le pays. On arrive enfin, fini le voyage. Un vieux copain vient vous sauter au cou. Il a l'air heureux, on l'est davantage, car en sortant, tout vous en fiche un coup. Le long des rues, c'est refrain de chez nous, ça sent si bon la France. C'était l'émission du Grémos avec Jean-Michel Stenner et Michel Destour sur le CDL. Donc je vous donne, pour conclure cette émission, quelques informations sur les prochains événements en lien avec le Grémos. Donc vendredi 25 octobre, l'association Assa Azeka organise une soirée dédiée aux femmes, aux droits des femmes pardon, et à la lutte contre les discriminations. Nous vous donnons rendez-vous à la Maison de l'Emploi à Saint-Étienne à partir de 16h30 pour une conférence de maître Dindia Aïdzaï. Pour terminer, je précise que désormais, les émissions du Grémos seront diffusées à 18h et non plus à 17h, le deuxième mercredi de chaque mois. Amis auditrices et auditeurs, je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission du Grémos qui aura lieu le mercredi 13 novembre 2024 à 18h. Nous recevrons l'équipe de médiation culturelle des archives municipales de Saint-Étienne pour une émission dédiée à la médiation de l'exposition numérique Coup d'envoi sport et handicap. Je vous souhaite à tous une très belle soirée sur les ondes de Radio Dio. Bye bye.